Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue ou tranquille dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, oubliez Moby Dick, une série d'Aline Pénito réalisée par Gilles Mardy-Rossian. Au départ de cette série, il y a des vieilles histoires de baleines blanches tueuses qu'on voudrait battre en brèche, des scientifiques comme des aventuriers et l'envie de tendre l'oreille aux cachalots. Alors pour commencer, les personnages, des cétacés terrestres, un bio-acousticien embarqué, une documentariste à la barre, une chercheuse, des militaires à grandes oreilles et un océanographe parmi les cachalots. Ensuite, le décor. Du vent dans les haubans, un bateau près de Toulon, un moteur qui s'arrête, rorquales et baleines bleues, sifflements, clics et buzz, des abysses, un sonar et des hydrophones. Aujourd'hui, premier épisode, on remonte dans le temps. Les cétacés, ces mammifères marins, viennent de la Terre. Leurs ancêtres terrestres parcouraient les berges des continents il y a 55 millions d'années, à l'Éocène, à un moment donné où le climat était extrêmement chaud et sec. C'est la période que l'on connaît où la Terre a été la plus chaude. Le niveau des mers était beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Les températures très élevées et grandes sécheresses, et donc les animaux terrestres se rapprochaient des points d'eau, des endroits qui étaient frais, et parmi eux, un animal à quatre pattes, qui est un cousin des chameaux, mais qui était carnivore, avec une dentition très impressionnante, qui s'appelait Pachycétus, s'est mis à chasser des poissons dans la mer. Et puis, certains de ses descendants ont probablement trouvé que c'était un milieu agréable. Et petit à petit, ceux qui avaient des aptitudes les plus grandes à nager se sont isolés et ont formé peu à peu un groupe d'animaux nageurs qui sont devenus les cétacés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit toujours les cétacés formidablement adaptés à leur milieu. Je ne trouve pas, parce que ces animaux-là ont gardé de leurs ancêtres mammifères terrestres un handicap formidable, qui est celui de devoir respirer en surface. En deux mots, ils sont dans un milieu en permanence hostile, et toute leur vie est conditionnée par ce retour en surface indispensable. L'air, respirer, vivre. L'écoute délicate des cachalots et autres cétacés. Nous sommes le jeudi 2 mars, il est 9h30. Si vous voulez bien, je vais être votre capitainesse aujourd'hui. Donc je vais m'occuper de mener ce bateau sur une zone un peu improbable, j'avoue, parce que là on a du mal à l'imaginer, mais on n'est pas très loin de Toulon. On est dans la rade de Borne, et alors on nous a raconté qu'il y avait des cachalots. Alors ça, c'est un mystère incroyable qu'on va découvrir aujourd'hui. J'ai besoin de vos noms pour le journal de bord. Donc nous avons Maxence Mercier, qui est donc le propriétaire du Castagnol, le bateau sur lequel nous sommes, c'est ça? C'est ça. Nous avons Hervé Glotin. Donc, chercheur au CNRS à l'Université de Toulon, dans un laboratoire d'informatique, traitement du signal, avec une bonne équipe de bioacoustique. Nous avons Gilles Mardy-Rossian, qui est donc réalisateur et aujourd'hui preneur de son sur le bateau. Et donc, moi, je suis Aline Pénito. Et donc, je m'occupe de l'écriture de ce documentaire et de cette série qui s'appelle « Oubliez Moby Dick ». Et je vais vous emmener sur zone aujourd'hui, sur le Castagnol. On a un vent assez doux, contrairement à hier. Hier, il y avait quand même des pointes à 40. Hein. Donc du coup, aujourd'hui, la mer semble... Enfin, en tout cas, la météo nous indique une mer belle pour ce matin. Un vent nord-nord-ouest tournant nord vers midi. Il y a quelques rafales à 25 nœuds quand même, faut qu'on fasse un peu attention. Et puis à partir du milieu de la matinée, la météo change assez brutalement, donc on va essayer de rentrer assez tôt. On a plein de matériel, donc on a des micros aériens et on a des micros marins qu'on va pouvoir mettre sous l'eau, qu'on appelle des hydrophones. On a des hydrophones qui permettent des mesures très dynamiques avec une bonne réponse aux amplitudes des transitoires, des fameux cachalots. Donc on essaiera d'en percevoir. Ils sont parfois cachés dans des bruits de bateaux, dans des bruits de mer, parce qu'ils peuvent être lointains, ils peuvent se propager sur 20 km probablement. Donc il faudra qu'on tende l'oreille à ces petits clics. Du coup là on va être avec un vent plutôt grand large. On va se mettre face au vent pour être à la cape en haut de la fosse. Donc à la cape, ça veut dire qu'on va mettre une voile un peu à contre du vent qui va nous permettre d'être un peu stable. Et puis on va se laisser dériver tranquillement voilà, sur la fosse. On va dériver en biais. Ça c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une fosse. À partir de Borne, effectivement, on peut rejoindre la tête du canyon d'Estocade qui est vers les moins 500 mètres. Et on peut ensuite la descendre jusqu'à la plaine abyssale, moins 2500 mètres. À l'est du Levant, cette île Nanterre. Et donc c'est ce relief, cette bathymétrie qui est propice à ces grands prédateurs, puisque c'est beaucoup de courant, beaucoup de ce qu'on appelle le fouling, de nutriments qui alimentent une chaîne trophique très très riche. Et donc on a les plus gros prédateurs de la planète qui viennent s'y nourrir. Devant nous, le Cap Nègre un petit peu sur notre bâbord, on va directement dans la fosse, petit vent, on va mettre les voiles, arrêter le moteur, grand voile d'abord. Grand voile d'abord et puis on peut commencer à baisser déjà le régime. C'est le meilleur moment. On arrête le moteur, c'est toujours le meilleur. Alors en français, on est assez caractéristique. Le français, c'est cétacé pour toutes les espèces de baleines et de dauphins, cachalots, etc. Et après, on a réservé le mot baleine que pour les mysticètes, c'est-à-dire celles qui ont des fanons. Qui n'ont pas de dents, mais qui ont des fanons. Donc ça, c'est baleine. Et puis tout le reste, donc ceux qui ont des dents, c'est odontocètes, et c'est dauphins, cachalots, orques. Donc là, on est obligé de citer les espèces si on veut décliner les espèces. Quand il n'est pas en train d'étudier les baleines à bosse à Madagascar, Olivier Adam est professeur à la Sorbonne et spécialiste des sons émis par les cétacés au sein de l'équipe bioacoustique de Paris-Sud-Orsay. Par contre, les anglophones, ils ont utilisé whale, donc baleines, pour tout. Donc ils ne sont pas qu'à sa tête. Donc tu as des spermouelles qui, nous, on n'aurait jamais utilisé le mot baleine parce que c'est un cétacé à dents, donc on aurait utilisé cachalot, alors que les Anglais utilisent whale, ils font killer whale, etc. Et donc du coup, tu te retrouves avec des traductions un petit peu rapides. Par exemple, Melville, il a utilisé le mot baleine blanche pour décrire son cachalot, et ça a été traduit baleine blanche en français, alors qu'en fait, non, on n'aurait pas utilisé le mot baleine, par exemple. Donc cétacés, 90 espèces de cétacés, 15 espèces de baleines, donc de grandes baleines, donc baleine bleue, baleine à bosse, orcoil commun, enfin voilà, toutes ces grandes baleines, donc avec des fanons. Et puis 70-75 espèces de cétacés, de odontocètes, je veux dire. Et donc là, avec des tailles tout à fait variables, des mysticètes, ils s'alimentent avec du krill, des petits poissons. Odontocètes, c'est des chasseurs, donc poissons, et voire même autres mammifères, c'est-à-dire phoques, éléphants de mer, voire même baleines. Donc deux façons de vivre totalement différentes. On va dire les baleines plutôt calmes, tranquilles, glandeuses, et puis les odontocètes plutôt prédateurs, un peu toniques dans leur nage, et puis voilà. Organisation différente, les grandes baleines sont plutôt de surface, et puis les odontocètes, là ça dépend des espèces, certaines sont de surface. Comme les dauphins, les orques, les bélugas, et puis d'autres sont plutôt de profondeur, comme les cachalots, globicéphales, baleines à bec. Le truc qui se pose, c'est que longtemps on croyait que les orques vont péter de surface, alors que récemment on met des modules électroniques sur le dos des cétacés, et dans les modules électroniques, il y a des capteurs de pression, donc on peut avoir la profondeur à laquelle ces cétacés descendent, et à chaque fois qu'on pose un capteur sur une espèce, on est surpris. Et là, dernièrement, on s'est aperçu que les orques pouvaient descendre à plus d'un kilomètre de distance, alors qu'on croyait qu'elles étaient des espèces de surface. Donc là, il faut qu'on revoie un petit peu notre vocabulaire. L'océan, l'eau, le médium, l'eau, le milieu de l'eau, propage très très bien le son, 5 fois plus vite que l'air. Flore Samaran est spécialiste en acoustique sous-marine et enseignante-chercheuse à l'ENSTA Bretagne. Elle s'occupe de suivi acoustique de populations de grandes baleines dans les sanctuaires indiens et australes de l'hémisphère sud. Donc c'est quelque chose que les marins ou les Inuits ont vraiment très bien compris et ont utilisé pour connaître un peu mieux dans leur environnement. Donc il faut les imaginer que quand ils partaient chasser, ils voulaient trouver peut-être un endroit où chasser les baleines. Et donc ils utilisaient des bouts de bois qu'ils mettaient sous l'eau. Ils écoutaient la coque du bateau, soit ils mettaient un bout de bois sous l'eau qui conduisait très bien le son. Donc, et puis ils écoutaient comme ça à l'oreille les sons qui se produisaient et qui se conduisaient d'abord dans l'eau, puis ensuite dans le bois. Et comme ça, ils étaient capables de dire, ben voilà, là j'entends des baleines boréales. Si vous avez déjà entendu des baleines boréales, c'est des sons qui sont puissants, qui sont magnifiques et qu'on ne peut pas ignorer. Ensuite, il y a eu tout le folklore des marins qui entendaient des sirènes au fond des cales des bateaux. Ben, ça, c'était exactement la même chose. C'est parce que le son se propage bien dans l'eau et se propage aussi bien dans le bois. Et c'était sûrement des baleines. Et alors, cette histoire de son sous l'eau, ça a énormément intéressé les militaires. Pendant la guerre froide, les Américains ont mis à l'eau des dizaines et des dizaines d'hydrophones, donc des micros sous-marins, qu'ils ont laissés comme ça dans l'eau. Donc, il faut imaginer que l'océan Pacifique et l'océan Atlantique étaient, en tout cas Atlantique Nord, étaient un peu quadrillés d'hydrophones. Et puis, comme ça, ils enregistraient tout ce qui se passait sous le paysage sonore sous-marin dans son intégralité. Et je crois qu'à la fin de la guerre froide, en tout cas, les premières publications, elles apparaissent, je crois, dans les années 60. Ces militaires ont mis à disposition de scientifiques, de biologistes, de chercheurs en biologie marine, plutôt, ces enregistrements en disant on entend des sons très, très puissants. On parle de 180 décibels, très, très bas en fréquence, tellement bas en fréquence que ça doit être vraiment un animal énorme qui émet ce genre de signaux-là. Et puis répéter comme une machine, quoi. Et donc, les premiers scientifiques qui ont écouté ça, donc c'est le son du rorqual commun, ce son très ennuyeux et tellement monotone qu'ils ont publié en disant on entend les battements de cœur des baleines. Vous avez une histoire qui est aussi liée à l'histoire militaire. Oui, alors moi j'ai une histoire, j'ai commencé à travailler sur les baleines bleues de l'océan Indien tout à fait par hasard. J'ai travaillé avec un chercheur qui s'appelait Christophe Binet, qui avait travaillé beaucoup en acoustique sur les orques dans l'archipel de Crozet. Et il avait rencontré des militaires à bord d'un bateau qui mettaient en place des hydrophones à Crozet pour le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans sur ces enregistrements-là. Moi, je ne savais pas, moi, je ne connaissais pas trop bien les espèces de l'hémisphère sud. Et donc, je commence à écouter les enregistrements, à regarder. Et là, je vois des patrons de cris se dessiner, qui se répètent comme ça. Et là, je cherchais dans la littérature. Et ah bah tiens, c'est ça, ça c'est un cri de baleine bleue antarctique qui avait été enregistré à côté de Madagascar en plein hiver par un scientifique sud-africain. Et il avait bien identifié le son, et la baleine à côté, c'était un son de baleine bleue antarctique. La baleine bleue antarctique, c'est le plus grand animal qui a jamais vécu sur cette terre. Certains spécimens qui ont été chassés mesuraient jusqu'à 35 mètres de long, donc c'est vraiment les plus grandes baleines. Et j'avais ça dans mon enregistrement de Crozet, cri de baleine bleue antarctique. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait 1 an d'enregistrement. Donc ma question, c'était, est-ce que je les enregistre toute l'année? Parce que si c'est des baleines Crozet, c'est vraiment subantarctique. Hein, on en écoute une. Voilà, à volontiers. Top. Là, on vient d'entendre 2 vocalises de baleine bleue antarctique. Donc il faut savoir que c'est des enregistrements qui sont accélérés pour qu'on puisse les écouter. C'est 5 fois plus lent en vrai. C'est des signaux qui sont émis à 27 Hz. Donc il y a 2 notes. Une première note, un son tonal, et puis ensuite en dessous, une note un peu plus faible. Et alors ce qui est incroyable, c'est qu'elle répète ça sans arrêt, pendant des heures et des heures. Il n'y a pas beaucoup de variations. C'est un signal qu'on enregistre depuis peut-être 30 ou 40 ans dans l'océan austral et même dans tout l'hémisphère sud. Donc de temps en temps, on a une pause, comme on l'entend là, on n'entend plus rien. En fait, c'est le moment où elle vient respirer en surface et puis après elle replonge et elle se remet à chanter comme ça pendant des heures et des heures. Aussi une espèce qui est très menacée, c'est émouvant d'en avoir un témoignage sonore. La baleine bleue antarctique, c'était la plus grande des baleines. Elle faisait 35 mètres. Donc prendre cette baleine-là, c'était beaucoup plus rentable que d'aller chasser d'autres espèces comme le petit rorqual ou la baleine à bosse, qui est beaucoup plus petite. Enfin, les plus petites, elle fait 20 mètres. Mais disons que chasser les baleines bleues antarctiques, c'était vraiment très rentable. Donc tous les pays qui chassaient la baleine partaient dans l'hémisphère sud. Et quand on regarde une carte, il n'y a pas un endroit autour de l'Antarctique qui n'a pas été, où il n'y a pas eu une capture de baleine bleue qui a été recensée, quoi. Et puis, paradoxalement, pendant ces quelques décennies de chasse, toutes les carcasses, certaines carcasses en tout cas, ont été mises à disposition de scientifiques. Et c'est là où on a eu le plus d'amélioration de connaissances sur ces espèces-là. Et puis, il y a des chercheurs qui ont commencé à dire, tiens, dans les zones subantarctiques, subtropicales, on voit des baleines bleues. Mais elles ont l'air un tout petit peu plus petites. Et puis, le patron de coloration, il est un petit peu différent. Et dans les années 60... on a découvert comme ça la baleine bleue pygmée. Et dans mes enregistrements de Crozet, c'est la 2e espèce que j'ai enregistrée aussi, la baleine bleue pygmée de Madagascar. Et là aussi, on a accéléré 5 fois. Donc, il faut se dire que c'est très, très, très, très lent. Elles tiennent la note pendant plusieurs dizaines de secondes, sans souci, quoi. Et elles répètent ça aussi pendant plusieurs dizaines de minutes. Mais ça prend aux tripes, moi, je trouve. C'est tellement grave. Voilà, la baleine bleue pygmée de Madagascar. Après, on peut écouter un autre enregistrement. Alors, orque 2-9, top. Là, on a les sifflements des orques. On a aussi des clics et des buzz qui sont un peu différents. Donc les sifflements des orques, par exemple, ils ont été beaucoup étudiés, notamment en Colombie-Britannique. C'est vraiment caractéristique de populations. Toutes les populations ne vont pas émettre le même type de dialecte. Et ça, c'est tout un volet qu'on aimerait bien faire à Crozet. C'est essayer de voir si on a la même chose à Crozet. On a différentes familles d'orques qui sont très bien reconnues par la photo-identification. Et est-ce qu'elles ont aussi leur propre dialecte? Ou est-ce que tous les orques qui viennent chasser la légine chantent de la même façon? C'est plein de questions et tout ça. Mais les baleines, je trouve ça encore plus mystérieux par rapport au... Le fait qu'elles émettent des sons, c'est parce qu'elles n'ont pas ce système d'écolocalisation. Elles ne peuvent pas se repérer dans leur environnement avec le radar, puisqu'elles ne l'ont pas. Les mysticètes ne l'ont pas. Donc est-ce que dans ces sons-là, peut-être qu'elles envoient des signaux pour et elles écoutent l'écho d'une manière ou d'une autre pour repérer leur environnement? On ne sait pas du tout. Mais alors, vous étiez sur le Marion Dufresne? Oui, donc fin 2010, j'ai pu partir sur une mission océanographique du Marion Dufresne et partir déployer donc ce fameux réseau d'hydrophones qui s'appelle Oasis Bio, qui s'appelle l'Observatoire hydroacoustique de la sismicité et de la biodiversité. Et ben là, c'était magique, quoi. C'est intéressant parce que nous, on y va en tant que, enfin, en campagne océanographique, donc on sait qu'on va faire, des quarts, on va avoir travaillé du jour, la nuit, mais on va aussi récupérer des gens qui ont passé un an à Crozet et Kerguelen, qui ont aussi des tas d'histoires à nous raconter. Donc c'est vraiment plein de rencontres qui sont vraiment très fortes, hein, avec les scientifiques, les chercheurs qui font ça depuis longtemps, les jeunes qui découvrent ça aussi pour la première fois. Et puis moi, ça me plaît toujours d'aller sur ce bateau-là. Enfin, c'est juste le voir, le bateau sur le quai, quand on arrive avec le taxi, moi, ça me fait vraiment ouais, des papillons dans le ventre. Je le trouve magnifique. J'aime beaucoup ce bateau. On va pouvoir établir le On envoie la voile avant. C'est bon. Là, je vais choquer. Du coup, là, on a plus un cap sur l'île du Levant. Non, mais c'est bien. Là, c'est bien. Parfait. On est toujours au vent arrière. Tranquille. Pour le moment, la mer est très calme. On est protégé par les caps. On voit un petit, des petites risées un peu plus loin. Donc, on voit bien qu'il ne faut pas trop s'éloigner si on veut garder ce calme pour pouvoir mettre les hydrophones dans l'eau. De gonfler un peu le génois pour appuyer un peu ce bateau. Ah, il y a une petite boule. C'est toujours aussi fou d'aller voir des super prédateurs sur un petit bateau de lunettes à la voile. Ils font deux fois la taille du bateau. Ils pèsent 40 tonnes. Ton bateau, allez. 1 tonne 5. Voilà. Mais il n'y a pas d'accident. Les animaux. Ils n'ont pas d'animosité sur les bateaux, j'ai jamais d'accident aussi. Et ni dans le monde, il n'y a pas d'accident répertorié entre des cachalots et des plongeurs, ni des bateaux. Peut-être qu'il y aura une rébellion un jour. Là, il y en a une fameuse, mais elle date de 1820, on était à la grande époque des baleines, c'était l'Essex. Il y a eu un cachalot qui a mis au fond un bateau, qui a donné... un livre incroyable qui s'appelle Moby Dick. Mais depuis... Des cadavres de baleines débitées dans les bateaux d'écarissage, engendrant l'implacable appétit des hommes pour l'électricité, le pétrole et le plastique. Par milliards d'inavoués, pour changer la nuit en jour, pour l'éclairage domestique, pour l'éclairage des rues, pour l'éclairage des boutiques, pour les tiges flexibles des ressorts de montres, de parapluies, de jouets et de capitons, et même pour les ressorts de la première machine à écrire. Pour que le savon retourne mélangé de crasse à la mer, pour la margarine, pour la glycérine du rouge à lèvres et le monde désœuvré et fantasque des esthéticiennes, pour les détergents dont la mousse a créé la publicité moderne, pour la glycérine dans la nitroglycérine, pour faire un trou dans le troupeau humain pour les lacets, pour les points de suture, pour les cordes des raquettes de tennis, pour les insecticides, pour le calcium du blanc d'Espagne et la purification militaire, pour le calcium de l'engrais pour hâter la gestation de la terre. Pour l'industrie de la laine, pour l'industrie des chaussures, pour l'industrie du coton, pour les corsets et les gousses et les busques et les caches-corsets, et la corsetterie sculpturale mettant en valeur la poitrine et les hanches, l'attirail esthétique, fondement sensuel de l'édification des empires, pour appâter les poissons, pour nourrir le bétail, pour élever les animaux à fourrure, pour nourrir les chiens, pour nourrir les chats, pour la fermentation nécessaire à la fabrication des antibiotiques, pour les bouillons cubes, pour la couche de gélatine des pellicules photographiques, grâce auxquelles nous nous voyons comme nous nous voyons, sans relâche. Non, depuis, on a quand même arrêté la chasse dans la plupart des eaux, donc il y a moins de peur, moins d'anxiété à la présence de l'humain. C'est un constat. Ici, parfois, les animaux sont au repos en surface et ne montrent pas de gêne par rapport à des ferries qui peuvent croiser. Alors, c'est aussi un problème parce que, de fait, il y a des collisions maintenant entre ces animaux qui sont chez eux et des ferries qui sont de plus en plus présents chez eux, qui les coupent, qui les cassent. Et donc, c'est à peu près 3-4 morts de grands mammifères marins par an. Dans la zone ? Absolument, oui. Ah oui. Dans la zone jusqu'à Gênes, on va dire. Je pense qu'il faut qu'on vire. Sinon, tu vas trop... La voile... comment tu l'appelles ? La fourmi, c'est le petit, petit caillou là, là-bas. Tu penses qu'il vaut mieux un peu aller plus sur le Cap Nègre ? On reste sur ce bord-là. Comment vous avez su qu'il y avait des cachalots ici ? Bon, je l'ai toujours su, je crois. Bah, ça fait partie du paysage des grandes abysses. Voilà, c'est le nombre d'individus qui est rare. Ici, peut-être 500 individus dans le bassin ouest méditerranéen. Les cachalots sont des nageurs en eau très profonde. Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont manger. Ils vont manger de la faune abyssale, c'est-à-dire des calmars, certaines espèces de poissons qui sont dans ces eaux-là. On connaît peu. Ils vont chasser dans ces eaux par opportunisme. C'est une niche qui est peu exploitée. Ils ont peu de compétiteurs. Les autres cétacés n'iront pas dans ces eaux aussi profondes, à part peut-être la baleine à bec. Et ils sont experts dans ces chasses, puisque c'est des eaux sans lumière. Mais ils ont un super sonar. Ce sonar, c'est le plus puissant de la planète. C'est sûrement le plus intelligent de la planète. C'est celui qui voit l'équivalent d'un moustique à 10 mètres pour notre échelle, dans une eau complètement opaque, sans lumière. Uniquement en se basant sur la réflexion du son qu'il aura émis par son nez. Et ce nez est hypertrophié, fait 3 mètres de long. Voilà. Dans ce nez, il y a un grand sac de plusieurs tonnes rempli d'huile. C'est une huile très fine qui était recherchée pour sa qualité, pour les industries pharmaceutiques. Aujourd'hui, on sait la synthétiser, donc ça a perdu son intérêt. Mais cette huile, elle a sa raison d'être dans ce nez parce qu'elle sert à construire les ondes dont on a parlé juste avant. Elle sert à l'animal à propager un premier signal qu'il a émis au bout de son nez vers son front. Ce signal est réfléchi sur le front avec un sac d'air qui est posé sur le front. Et il est repropagé au travers d'autres sacs d'huile qui sont posés sur la mandibule supérieure. Et c'est là où l'animal peut maintenant construire un signal en certainement modifiant la forme de ces petits sacs d'huile. Il y en aura une douzaine qui peuvent changer de forme, certainement. Donc c'est le sujet d'étude qu'on a aujourd'hui. François Sarano est océanographe, plongeur, scaphandrier. Il est l'ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau. Il passe une bonne partie de l'année dans les eaux de l'île Maurice, auprès d'un clan de cachalots mené par une matriarche appelée Irène Gueule-Tordue. Alors c'est le petit matin, c'est 10h du matin. La mer est très très calme. Les rayons du soleil filtrent à travers la surface et convergent dans la profondeur vers une quarantaine de mètres. Ça fait une sorte de point blanc. Et là, dans ce panier de rayons lumineux, une quinzaine de cachalots, dressés comme des menhirs, tête vers le haut, suspendus dans l'épaisseur liquide, qui dorment. C'est envoûtant parce que on veut vraiment faire silence, comme si on rentrait dans une cathédrale, et ces cachalots ne bougent pas, ils nous acceptent. Et on nage lentement, lentement, vers eux, et tout d'un coup, on pénètre entre les piliers de cette cathédrale. De temps en temps, l'un des cachalots remonte verticalement, tout doucement, pour respirer en surface, laisse sortir son évent, prend une respiration et redescend, toujours ensommeillé. Tout est calme, tout est apaisé. Et ces cachalots qui ont été présentés comme des monstres par Melville dans Moby Dick, soudain se révèlent être des tonnes de douceur et de paix. C'est possible qu'on soit surtoilé, hein. On va peut-être passer au petit phoque. Ok. Je vais changer la voile d'avant. Avant la manœuvre ou Ouais, non, là on va se mettre au près et je vais changer la voile d'avant. Ok. Je reste au près et. Ouais. Tu tires bien. Passe au vent histoire que j'abaisse, la pâle. Ouais. Tu passes. Ça. Alors à tribord, on voit l'île Le Vent, Port-Cros, Porquerolles et au large la Méditerranée. Et à cet endroit-là, vous avez posé deux bouées acoustiques. On a posé une bouée stéréophonique. Là, il y a un micro. Il y en a deux. Il y a deux micros. Voilà. Et comme la bouée est fixe, prise dans le courant ligure, les hydrophones pointent toujours vers la même direction. Donc c'est un petit miracle. Et c'est un peu comme nos oreilles. On a une oreille à gauche, une oreille à droite, elles pointent toujours dans la même direction. Et c'est comme si vous regardiez toujours sud. Vous regardiez toujours dans la même direction. Avec les deux oreilles qui sont toujours une à gauche, une à droite. Et vous entendez passer les avions, on va dire. Ben, vous savez dire, les yeux fermés, si l'avion vient de gauche ou de droite. Vous le savez parce que sur des bruits un peu plus instantanés, vous entendez avant le son qui arrive à l'oreille la plus proche de la source. Et après sur l'autre. Donc on utilise ces caractéristiques de différence de temps et de différence d'intensité comparées entre les deux hydrophones pour calculer le défilement, c'est-à-dire l'angle, l'azimut de passage des cétacés qui croisent au large au sud de la bouée. Par le biais de cette stéréophonie sous-marine, on arrive à calculer les défilements en azimut et on a maintenant un projet européen qui est la suite de cette antenne qui va vers une antenne à 4 hydrophones. Une bouée à 4 hydrophones avec un système intégré dans la bouée pour calculer en temps réel le défilement de la source, mais aussi probablement on va essayer la distance de la source. Et donc avec ça on a la vitesse. Il nous semble plus important d'accélérer et d'améliorer les méthodes, le développement des méthodes de suivi et d'alerte de présence et de déplacement des cétacés pour donner cette information à la marine, à la préfecture et aux bateaux eux-mêmes afin qu'ils réduisent leur vitesse en cas de présence de ces animaux et éventuellement même qu'ils soient prévenus du risque de collision parce qu'on aurait défini le cap du déplacement de ces chasseurs. non seulement les cachalots ont l'habitude de se caresser en groupe, et je pense qu'ils en tirent beaucoup de plaisir, mais ce que nous observons très souvent aussi, quasiment quotidiennement, c'est des couples. Des couples. Alors, il y a des couples de jeunes, mais plus étonnant encore, des couples de femelles adultes. Dans cette société, encore une fois, où il n'y a pas de grands mâles, nous observons la formation de couples de femelles adultes qui se font des vrais câlins, des vraies caresses. Et en particulier, un couple, Delphine et Vanessa, ce qui n'empêche pas Delphine d'avoir eu deux petits, Tache Blanche en juillet 2011, et puis la petite Chesna, hein, en mars 2018. Mais en tout cas, on le constate. Et ces moments-là sont systématiquement accompagnés d'un échange sonore, d'une coda. C'est un appel à la caresse, un appel au contact physique. Celle qui est interpellée répond. Et toutes les deux se mettent à cliquer en accord. Et les codas se fondent l'une l'autre. Et alors, les deux corps se frottent, se mêlent et elles se font un câlin. Donc nous avons réussi, après évidemment des mois d'enregistrement et d'observation, à associer cette demande de contact physique avec cette expression sonore particulière qu'on appelle une coda. Donc à 8 clics, 2 clics, suivi de 2 fois 3 clics. Et nous nous sommes aperçus que cette coda à 8 clics était spécifique à la famille d'Irène Gueule-Tordue. Les autres familles de l'île Maurice semblent utiliser préférentiellement une autre coda à 5 ou une autre à 6 clics. Cela semble montrer qu'au moins cette expression sonore est spécifiquement utilisée par une famille propre. Donc, si on voulait comparer avec notre langage à nous, c'est pas un langage, hein, les cachalots n'ont pas de langage, hein, mais si nous voulions comparer, il faut bien des mots pour exprimer ce que exprime, nous dirions que la famille d'Irène Gueule-Tordue a son dialecte propre, et que le clan de Cindy ou que le clan des Marques Blanches ont chacun aussi leur dialecte propre. Vous parlez de transmission culturelle ? Oui, alors sur les... en fait, ce qu'il faut voir, c'est les différentes échelles qui ont été utilisées. Donc si on prend des sons d'une espèce, par exemple, on est à l'échelle de la pleine Terre, voilà, avec des sons qui peuvent être différents d'un océan à un autre, pour la même espèce, pas des sons qui ont exactement les mêmes caractéristiques dans l'océan Atlantique et dans l'océan Pacifique. Après, on est descendu au niveau du groupe, on a parlé de dialecte, parce que des orques du Pacifique Nord n'avaient pas les mêmes sons que des orques d'ailleurs, et donc on a parlé de dialecte de groupe, et puis on descend, et là maintenant on s'intéresse à des sons émis par des individus pour parler de signature acoustique individuelle. Sur les baleines à bosse, on s'est aperçu très vite qu'elles partageaient des unités sonores au sein même d'un océan pendant une année. Donc il va y avoir un chant qui va avoir un ou plusieurs leitmotivs pendant l'année, et ça va être différent entre Madagascar et la Guadeloupe. Bon. Et en 2011, une chercheuse australienne qui travaille en Australie, qui s'appelle Hélène Garland, a eu l'idée de comparer tous les champs entre l'Australie et la Polynésie française, donc surtout le Pacifique Sud. D'accord ? Elle a pris les champs qui avaient été enregistrés à différents endroits. Et elle a montré, en fait, qu'il y avait des unités sonores qui passaient d'une population à l'autre, alors qu'on pensait que ces populations-là ne se déplaçaient pas sur toute cette largeur d'océan, quoi. Et du coup, elle s'est dit, OK, il y a une transmission culturelle qui se fait uniquement par imitation. Et donc, on parlait d'évolution culturelle pour justement montrer comment les chants changeaient d'une année à l'autre, jusqu'à une révolution culturelle, parce que des baleines arrivaient à influencer tellement d'autres que ça modifiait complètement le leitmotiv que les autres individus faisaient, quoi. Les grandes baleines vivent plus de 100 ans, voire peut-être même 200 ans. Okay. Donc ça veut dire qu'elles ont vécu les périodes de chasse, et que si elle l'a pas vécu directement, leurs parents les ont vécues, quoi. Et donc, vu qu'il y a une transmission culturelle de ce qui s'est passé, elles sont probablement au courant qu'il y a un risque de fréquenter des humains, et notamment un risque de fréquenter certains types de bateaux, quoi. C'est rétabli dans le lit du vent, on est bien. Et là, a priori, hop, avec la force, on va dériver dans la fosse. Nickel. On doit avancer en crabe. Hein. Ouais. Non, on est bien. Je pense que c'est bien là. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, Maxence? On reste dans la zone, on descend, le temps remonte. Bah là en fait on se dirige à peu près vers le Réol. Ouais. C'est l'autre cap qui est là-bas. Là on est pile poil au milieu du bras, ça fait 350 mètres en dessous. On est bien là. Ah ouais, on est très bien. Hein. On est bien pour capter peut-être ce qu'il y a un petit peu plus loin, mais bon, alors tout dépend de l'état. On essaye de rester un peu comme ça, c'est pas le plus agréable parce que là le vent souffle un peu. Bon, on est bien, attends, non, on est bien. Hydro-allô. Oh. Il fait combien de long, du coup, ce câble? Ça, c'est un 40 mètres. Ah. Petit, mais permet d'avoir beaucoup de longueur, si on n'en met pas trop. Comme ça, c'est un peu comme un instrument de musique. Le son va remonter dans cette caisse. Et si tu te places bien aux endroits où il faut, tu entends très bien. Comme une cathédrale. Une cathédrale, une salle de concert. C'est une salle de concert. D'ailleurs, on a un projet, enfin. On fait des études dans ce sens-là où on essaye de comprendre la stratégie de l'animal qui exploiterait les qualités acoustiques du milieu dans lequel il est. Et l'été dernier, on a fait des mesures avec un drone en surface, le plus grand drone du monde, hein, de 17 mètres de long, une pirogue polynésienne. Et on a équipé la quille de ce drone de 4 hydrophones. Et on a pu mesurer la trajectoire d'un cachalot au sud du Cap Sissier, juste là-bas, là. Pendant 3-4 heures, on a donc 3-4 sondes de l'animal et on a montré que l'animal longeait la falaise. On a montré qu'il ne regardait jamais de face la falaise pratiquement, c'est-à-dire qu'il n'émettait pas la tête face au regardant la falaise. Pourquoi? Parce que c'est des échos qu'il aurait de la falaise et pas des proies qu'il cherche. Il va longer la falaise et exploiter la falaise comme peut-être un piège pour ses proies ou alors comme un réflecteur, mais en jouant bien avec les réflexions. Donc on essaye maintenant de comprendre l'interaction entre l'émission acoustique de l'animal, les caractéristiques bathymétriques de relief du milieu dans lequel il évolue, et de voir s'il exploite les qualités, les réflexions induites par le milieu pour mieux visualiser ses proies. Le vent continue à se lever. Et ça va aller vite. On est pas très loin du cap de Bonin. Là, on a 10 minutes avant d'être sur la descente. On est à combien? 120 mètres? Là, on est toujours à 100 mètres. On est sur un plateau, mais dans 10 minutes, on descend à 200. Il vaut mieux arriver à la tête, hein, parce que pour des raisons acoustiques. Là, on est là. Regarde. On bouge, tu vois. Et tout d'un coup. Des codas et aussi d'autres clics, hein. Cette sorte de cric aussi par moment, c'est comme une porte qui grince et qui signale l'arrivée d'un cachalot. Mais on ne voit rien, la visibilité était bonne, mais dans l'océan, très vite, à 30 mètres, 40 mètres, on ne voit plus rien. Mais le cachalot, lui, il nous avait bien identifié et il revenait du fond de l'océan nous voir. Donc avec René, on se faisait signe, tu entends, on se tape sur l'oreille parce qu'on ne peut pas communiquer, nous, sous l'eau, et on ne voyait rien du tout. Et tout d'un coup, Elliot est arrivé. Donc il arrive, lui. C'est lui le maître du jeu, là. Hein, il est décidé à venir nous voir, nous étudier. Et il monte directement vers René. Et tout d'un coup, il se met vertical et il se met à tournoyer comme une toupie sur lui-même. Et pendant 10 minutes, ils veulent se mettre à danser pour nous, entre nous deux, sans, avec une délicatesse telle que jamais, bien qu'il soit coincé entre nous deux, il ne va nous toucher. Il va passer parfois avec sa caudale au ras du hublot de la caméra de René. Il va se mettre à nager lentement. Il va parfois reculer doucement. Il va prendre la dimension de notre immense infirmité, à nous, nageurs maladroits. Et j'étais toujours bien décidé à ne pas caresser, mais j'ai voulu répondre à la demande d'Eliott qui se mettait sans cesse sur le dos en offrant son ventre, qui est une des caractéristiques des comportements qu'ils adoptent entre eux lorsqu'ils souhaitent avoir un câlin. Et donc je me suis mis, moi, à mon tour, sur le dos et je me suis mis à pirouetter. Instantanément, il a pirouetté dans le même sens que moi. Et nous avons, semble-t-il, trouvé un accord. Nous ne nous comprenions pas et pourtant, nous avions trouvé une manière de communiquer. Et soudain, stupéfaction, alors que d'habitude, les cachalots n'utilisent envers les plongeurs que cette ce cri, ce buzz, dont on ne connaît pas très bien la signification, mais qui est quelque chose qui semble à la fois interroger et puis voir un petit peu dans quel état on est. Tout d'un coup, Eliott s'est mis à lancer des codas. Des codas à 8 clics et il n'y avait aucune équivoque. Il me demandait un câlin dans son langage. Pas une fois, mais 40 codas pendant ces 7 minutes. 40 codas. Pendant ces 7 minutes, avec une intensité très forte, Eliott a voulu m'apprivoiser. Avec force, encore une fois, attitude corporelle, danse et approche. Et donc, coda. Et ça, c'est bouleversant. Parce que, non seulement le moment est d'une intensité incroyable. Un animal sauvage, libre, indompté, qui vient sans contrepartie vous apprivoiser. Et cette demande est bouleversante parce que cela montre plusieurs choses. D'abord, que nous, les hommes, n'avons pas le monopole de la curiosité, hein, que les cachalots, eux aussi, viennent étudier les hommes, viennent découvrir autre chose que leur monde propre. Ils s'intéressent à la différence, ils s'intéressent à l'altérité. Bien que nous ne nous comprenions pas, que je sois sûr que je ne le comprends jamais, nous avons trouvé cette distance juste. Et dans cette relation dépouillée et authentique, on s'est compris suffisamment pour être bien, l'un avec l'autre, l'un à côté de l'autre, sans soumission, juste avec cet échange de danse et ce moment de paix. Pourquoi on continue à faire de la recherche en ce moment sur les cétacés? Deux raisons principales. Première raison, c'est que je pense qu'on est très loin encore de comprendre leur façon de faire et leur environnement. Pourquoi ? Parce que nous, on a 1,2 kg, 1,3 kg de cerveau et ils en ont 5 à 7. Il y a forcément des choses qu'ils sont capables de faire qui nous, on est encore un petit peu éloignés. Il va falloir qu'on soit inventif pour comprendre cela. Et la deuxième chose, c'est que l'impact des activités humaines est flagrante, notamment sur les océans. Et du coup, il y a beaucoup à l'heure actuelle d'études qui permettent de savoir où on va quoi, dans ces effets néfastes sur la nature. Et les cétacés sont des espèces parapluies parce que, en fait, quand on étudie des cétacés, elles sont à la fin de la chaîne alimentaire, enfin à la fin du système, de leur écosystème. Et du coup, quand on étudie en fait tout leur écosystème. Elles sont les représentants de la santé de la zone où elles sont. Et nous, par exemple, on a un projet sur la toxicité chez les baleines à bosse dans l'océan Indien. Et en faisant ça, en fait, on caractérise tout le milieu dans lequel elles évoluent. Malheureusement, toutes les espèces de cétacés sont sur la liste rouge de l'Union pour la conservation de la nature. Et par contre, à des statuts différents. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on essaye, on a des informations sur leur recensement et leur distribution. Et du coup, ça permet de suivre l'évolution des populations. Par exemple, si on prenait les baleines à bosse, elles sont passées à un statut moins concerné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, leur population augmente. Année après année, ça a été constaté dans le Pacifique Nord et dans l'Atlantique Nord. Leur population augmente de quelques pourcentages, je veux dire genre 5, 6, 7% par an. Mais elles ont été décimées pendant la chasse industrielle de la baleine, donc dans les années 20e siècle, 19e et 20e siècle. Et du coup, leur niveau de population est très très très faible par rapport à ce qu'elles étaient avant la chasse. Donc même si leur population augmente, elles restent sur la liste rouge parce qu'elles sont encore très loin des effectifs qu'il y avait avant la chasse. Et puis après, pour d'autres espèces comme le cachalot par exemple, là aussi c'est moins concerné. Et puis pour les orques, ça dépend des endroits, mais... Par exemple, proche du Crozet en terre australe, là, c'est très concerné parce qu'ils se font tuer par les pêcheurs. Mais dans d'autres endroits, c'est plutôt pas mal. On est en train d'assister à l'extinction d'une espèce qui est la baleine franche au Canada, parce qu'il reste 450 individus et qu'elles se font prendre dans, notamment... Enfin, elles meurent pour plusieurs raisons, mais notamment, il y a des interactions fortes avec les pêcheries. Là, on en est à 450 individus, donc probablement qu'on assiste à une extinction de l'espèce. Il y a d'autres extinctions qui ont eu lieu précédemment, comme le dauphin de Chine, par exemple, où on a noté tous les ans, et on fait remonter l'information tous les ans, du nombre qui décroissait systématiquement, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Il y a des fois des régulations d'activité humaine qu'il faut mettre en place avant la fin, quoi. Où ils se retrouvent dans un filet. Non mais 800 dauphins par an tués par les pêcheurs français quand même. En mois de février. Alors on va remonter l'hydro. Exactement. Et puis défaire la cape, mais tranquillement une fois qu'on aura remonté l'hydro. Peut-être que pendant qu'on défait l'hydro, on peut prendre un riz, on peut réduire la grand voile. Ouais. Comme ça on rentrera un peu plus tranquillement. En étant un peu plus sous-toilé. Ah, c'est 40 mètres à remonter, ça prend du temps. Bah ouais. Alors, pas de cachalot. Pas dans l'heure. Ils sont peu nombreux. D'ailleurs, en 2009... 2008, quand on commençait à régulièrement sortir pour faire des recensements par acoustique, en sortie, on avait un contact, donc un enregistrement d'animal pour une sortie sur deux. On a une chance sur deux, chaque jour, de contacter un individu. Aujourd'hui, le constat de l'été passé, c'est qu'on a fait une dizaine de jours de sortie, on a eu un seul contact. Moi, je considère qu'on est pratiquement la dernière génération à voir ces animaux aussi près des côtes. Voilà. Et puis, parfois, on tombe sur des signaux qui n'ont jamais été répertoriés. Ça a été le cas du picol. C'est des signaux très bas en fréquence, très forts en intensité, donc avec des caractéristiques qui ressemblent aux signaux de baleine blanche antarctique et de rorqual commun. Donc, on pense que c'est un rorqual, mais lequel, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, on va l'écouter. Oui, on va l'écouter. Alors, vous allez voir, ça ressemble beaucoup à la baleine blanche antarctique, mais c'est juste la première note. Et puis, c'est répété comme ça aussi pendant des minutes et des heures. L'écoute délicate des cachalots et autres cétacés. Un documentaire d'Aline Pénito, réalisé par Gilles Mardi-Rossian. Avec Hervé Glotin, Maxence Mercier, François Sarano, Flore Samaran et Olivier Adam. Dominique Gould lit un extrait de Baleine D. Scott Williams. Prise de son, Gilles Mardi-Rossian. Mixage, Pierrick Charles. LSD à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour nous réécouter en Antarctique, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vona Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, les émotions du dauphin. Mais en attendant, restez à l'écoute.